Nous entamons une toute nouvelle série dans l'Ancien Testament. La semaine passée, nous avons parlé de l'Ancien Testament. Nous avons parlé du fait que l'Ancien Testament est la Bible de Jésus. L'Ancien Testament, finalement, a beaucoup à nous apprendre parce qu'elle nous révèle là où l'accomplissement doit se faire, de quelle manière. Et Christ est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Mais nous sommes dans l'Ancien Testament et nous allons être là pendant plusieurs semaines. Et ce qui est magnifique dans l'Ancien Testament, justement, c'est que c'est un narratif sacré. C'est des biographies, souvent, de gens. Et ces gens-là marchent avec Dieu, font des erreurs par rapport à Dieu, grandissent et rapetissent face à Dieu. Et on voit leur vie et nous sommes stimulés, nous, à devenir ou plus comme eux ou moins comme eux. Donc, la biographie fait partie intrinsèque de l'Ancien Testament. Et pour moi, ça, c'est bien parce que c'est vivant. Évidemment, il n'y a rien de plus vivant qu'une vie humaine. C'est pour ça qu'on aime lire des biographies, parce que ça nous met en contact avec l'histoire de façon très dynamique. Et là, nous allons rentrer dans la vie d'un individu. Non seulement dans sa vie quotidienne, mais dans ses pensées, dans sa philosophie, dans son monde personnel et dans sa réaction face à la réalité sociale et économique et politique de son temps. Mais vous allez voir, ses réactions sont les mêmes que les nôtres aujourd'hui. D'ailleurs, mon épouse me montrait, Heidi me montrait un film qui s'appelle vous connaissez ce film-là des années 80, qui nous montre justement une série d'images sur le vide de notre société moderne. D'ailleurs, on prendra le temps de regarder certaines de ces images-là plus tard. Mais Salomon vivait la même chose il y a de ça, 3000 ans. Alors donc, les choses n'ont pas changé malgré le changement de temps, le changement d'époque. Salomon oriente le jeune garçon. Voilà le titre de notre enseignement aujourd'hui. Salomon oriente le jeune garçon. Seigneur, parle-nous. Christian vient de parler de l'importance de la parole. Évidemment, Christ doit être au centre de tout ce que l'on fait. Le Père et l'Esprit Saint, comme on l'a étudié abondamment. Mais c'est dans l'étude de la parole qu'on apprend à connaître ton travail dans la vie des gens. Et aujourd'hui, nous allons regarder la vie de Salomon. Nous voulons connaître qui il était et qui il peut devenir pour nous comme exemple, comme direction. C'est en ton nom, au nom de Jésus, que nous prions. Amen. On ne peut pas changer nos ancêtres, ça c'est clair. Quand vous faites une recherche, vous réalisez que certains de vos ancêtres, et même parfois votre papa ou votre grand-père, on ne peut pas changer nos ancêtres, mais on peut changer notre descendance. Ceux qui viennent de nous, par exemple, on peut avoir un impact sur eux. Et c'est là qu'il faut se concentrer. Il y avait un jeune étudiant des comportements infantiles qui, à l'aide d'université en université, partageait un enseignement sur comment être un bon papa, un bon parent. Et il appelait ça 10 commandements pour les nouveaux parents. Voilà, évidemment. Il s'est marié, il est devenu papa. Après avoir lui-même appris à élever les enfants, ou enfin son premier enfant, il a changé son titre de cette discussion auprès des universités. 10 allusions au fait d'être papa, d'être parent. Ensuite, il eut un autre enfant. Et ses lectures ont changé quelques vagues suggestions sur être parent. Et finalement, il eut un autre enfant et à ce moment-là, il a décidé d'arrêter de parler. Parce qu'il a réalisé qu'il comprenait très peu, il ne connaissait rien finalement. D'ailleurs, ça ressemble à mon expérience. J'ai un deuxième enfant, je trouve que je sais encore moins quoi faire avec le deuxième que le premier. Oui, je sais comment changer une couche. Oui, je sais comment faire des trucs techniques avec Luc, beaucoup plus rapidement, beaucoup plus relax. Mais je ne sais pas plus comment l'élever. Et c'est là que tu réalises qu'on est dans le vide, sans la parole de Dieu, sans la réalité du Seigneur. Ce qu'on va voir finalement, c'est que Salomon, c'est un individu comme vous et moi qui a été élevé par David et Bathsheba et qui lui-même est le fruit, le résultat d'une éducation particulière, évidemment avec Dieu, mais l'éducation a une importance majeure et on le voit dans la vie de Salomon. Salomon, le mot Salomon veut dire simplement un homme de paix, un homme de paix. Shelomo en hébreu, un homme de paix. On voit le mot Salomon 300 fois dans la Bible, 12 fois dans le Nouveau Testament et le reste dans l'Ancien Testament. Il est le deuxième fils de Bathsheba. Bathsheba, on va voir dans un instant, c'est son deuxième enfant. Cette fois-ci, c'est un enfant légal, un enfant accepté. Il est né autour de 1035 avant Jésus-Christ. 1035 avant Jésus-Christ. Et il deviendra, après son papa David, il deviendra roi. Le premier roi, finalement, né dans les robes mauves. Ce qui veut dire que c'est le premier roi qui est né dans une famille de rois. C'est pratique. C'est l'idée maintenant de tout ce qui est royauté en Angleterre, c'est qu'il y a le sang bleu. Bon, ça doit être beau quand ça coule, là, mais la réalité, c'est qu'ici, il était né dans la première famille où la royauté était présente. Il règnera 40 ans en Israël, entre 971 et 931. 40 ans, et ce sera le règne le plus spectaculaire d'Israël, le règne où la terre d'Israël aura presque sa pleine ampleur par rapport à la promesse que Dieu avait faite. On avait dit que la terre d'Israël serait immense par rapport à ce qu'elle est maintenant, et Salomon sera le roi durant ce grand succès du peuple israélien. Son influence, on nous dit que Salomon était un des hommes les plus sages de la planète. Alors, venez avec moi dans un roi. Ce qui est merveilleux dans le livre d'Ecclésiaste, comme je vous ai dit, c'est que c'est un livre qui transcende deux styles d'écriture, une écriture historique et une écriture poétique. Alors, un roi, chapitre 3. Un roi, chapitre 3, verset 7. On va simplement lire ça ici, juste comme introduction. 3, 7 à 14. Maintenant, Éternel, mon Dieu, un roi. Alors d'ailleurs, oui, c'est pas facile de trouver un roi. Si vous avez une petite Bible brune, c'est la page 345. C'est des petits livres historiques au tout début de la parole. Vous vous souvenez, on est depuis longtemps plus vers la fin de la parole, là c'est au début. Un roi, chapitre 3, verset 7 à 14. Maintenant, Éternel mon Dieu, c'est toi qui établis ton serviteur roi à la place de mon père David. Et moi, je ne suis qu'un petit jeune homme, je ne sais pas gouverner. Ça, c'est évidemment Salomon qui parle. Ton serviteur est au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, peuple nombreux, qui ne peut être évalué ni compté à cause de son grand nombre. Accorde donc à ton serviteur un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important? Cette demande formulée par Salomon, plus haut Seigneur. Donc, une des choses que l'on voit, c'est qu'il est très sage, parce qu'il demande à Dieu une sagesse. Dans un roi 5.9, Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances étendues comme le sable qui est au bord de la mer. Et ensuite, 5.11, il était plus sage qu'aucun homme. Et 5.12, il a prononcé 3000 proverbes et ses chants sont au nombre de 1005. Bon, voilà. Il était aussi très, très riche. Beaucoup de prospérité durant son royaume. Dans deux chroniques, là, on n'y ira pas. Mais deux chroniques, on nous dit qu'il était plus riche que tout autre roi du monde entier. Car une richesse incroyable. Il eut aussi un règne de paix, dans un roi 5-4. Voilà. Il exerçait son autorité sur tout le pays de l'autre côté du fleuve, depuis Tipsa jusqu'à Gaza, sur tous les rois de l'autre côté du fleuve, et il y avait la paix de toutes parts. Contrairement aux autres rois qui avaient toujours un conflit, qui devaient se battre et se défendre, et donc évidemment, tu ne peux pas prospérer de la même façon quand tu es en train de défendre ton royaume. Ici, on voit que Salomon est dans un règne de paix. Alors, on va voir plus tard qu'il fait de grandes constructions, de grandes transformations en Israël, et il permet évidemment de construire le temple qui était central à la croyance juive. Lui, il passera des années à faire des constructions merveilleuses pour le royaume de Dieu en Israël. Donc, voilà, on nous dit qu'il est dans un royaume de paix. Pendant très longtemps, Salomon aima Dieu et respecta les commandements de Dieu. Regardez dans 3:3, 1 roi 3:3, on nous dit Salomon aimait l'Éternel et suivait les prescriptions de son père David, mais lui aussi ne sacrifiait et n'offrait des parfums que sur les hauts lieux. Donc, il aimait Dieu et il respectait ce que son père lui avait dit et ce que Dieu lui disait. Mais plus tard dans sa démarche, nous allons voir que Salomon va s'éloigner de Dieu de façon assez drastique et va se mettre à obéir à sa propre chair, à ses propres pensées. Salomon écrira 3 des livres des plus importants dans l'Ancien Testament. On pense évidemment à Proverbes, Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques, qui sont 3 livres complètement différents des uns des autres, mais 3 livres charnières dans l'Ancien Testament qui ont un rôle important. Regardons son passé, sa vie, sa jeunesse finalement. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, la jeunesse te moulera pour ton futur, te moulera pour ton ministère. Et donc, parlons de sa famille. Parlons de sa famille. Bien, messieurs, dames, Salomon vient d'une famille très dysfonctionnelle. Mais d'ailleurs, comme la plupart d'entre vous et de moi-même. Oh non, il y a juste quelques personnes qui ont des familles tout croche. Non, la réalité, c'est qu'on vient tous de familles un petit peu problématiques, des familles qui nous ont fait souffrir d'une façon ou d'une autre, certains plus que d'autres, certaines familles plus que d'autres, mais on a tous des familles qui ont des problèmes, ça c'est clair, puisqu'on ne sait pas comment communiquer, le péché fait partie de notre expérience quotidienne, donc de dire qu'il y a seulement quelques familles en problème, c'est se leurrer, surtout au Québec de nos jours. Donc, la famille de Salomon, ce n'est pas une famille idéale. Salomon, sa maman, c'était Bathsheba. Et vous connaissez l'histoire de Bathsheba et de David. Le premier mari de Bathsheba, c'était Uria, le Hittite, qui lui était en amour avec sa dame de façon passionnée. On dit qu'il, justement, il était d'une autre terre. Il venait d'une tribu païenne. Et lui et Bathsheba seraient venus en Israël et se seraient convertis au roi, au dieu des dieux, au dieu israélien, à Yahweh. Alors donc, ensuite, non seulement il se serait converti, mais le mari, Uria, lui, aurait été élevé dans l'armée de David. Il était choisi comme un des 37 soldats principaux, donc c'est un bonhomme avec une importance marquée. Et donc là, vous connaissez l'histoire. David voit cette jeune dame sur un toit pendant que son mari est à la guerre. David la voit probablement nue, relativement assez loin. Il la trouve merveilleusement belle. On sait que les châteaux ou les demeures des rois étaient en haut des villes. Il voit Bathsheba prendre un bain et il a déjà lui-même, on dit, environ 6 épouses. Mais celle-ci, lui, plus particulièrement, de toute évidence, et il demande à ce qu'elle vienne le voir. Et il couche avec elle, et se sentant bien mal à l'aise de toutes sortes de façons, il décide, pour régler son problème, d'éliminer le mari. C'est un choix qui n'est pas sage. Alors, il envoie ce mari dans les lignes frontales de l'armée, là où ils sont en combat, il le met finalement, il demande à son général de mettre en avant pour qu'il se fasse tuer, un des premiers. Et c'est ce qui se passe. Bon, l'histoire se poursuit, il y a d'autres détails, le mari revient, David essaie de cacher la chose, elle tombe enceinte, enfin. Mais c'est vraiment, c'est un téléroman finalement. Malheureusement, Uria, il sera tué sur les champs de bataille et suite à ça, elle sera en deuil, c'est normal, mais on nous dit ici que dans 2 Samuel 11, 27, que quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Alors donc, situation familiale assez problématique, merci. Le premier enfant mourra comme par... C'est le prix à payer du péché de David et de Bathsheba. D'ailleurs, David aurait prié, aurait demandé à Dieu d'épargner cet enfant. Et malgré ça, et c'est un peu la leçon, le péché amène des coins, des conséquences souvent dramatiques, souvent terribles. Enfin, cet enfant-là meurt, le premier enfant. Mais suite à ça, après avoir souffert terriblement, ils auront un autre enfant, ensemble. Cette fois-ci, ils sont mariés, c'est acceptable, et cet enfant sera Salomon. Alors, Salomon émerge d'une famille et d'une relation amoureuse qui est partie, qui est partie du péché, finalement. C'est souvent le cas, d'ailleurs. C'est souvent le cas des gens qui se convertissent à Christ, où leur relation précédente était basée dans un désir ou sexuel ou autre. Mais Dieu rachète. Il prend ces situations-là. Oui, il y a des conséquences. Oui, il y a des souffrances qui vont émerger de ça. Mais Dieu rachète ça et il peut faire de grandes choses, d'où Salomon, qui sera sorti d'une famille qui est née dans le péché. Donc, le père, ici, là, on a parlé un peu de Bathsheba, on a parlé évidemment du choix absolument terrible de David. David, on nous dit que c'était un homme qui était selon le cœur de Dieu, qui était un homme qui était aimé par Dieu. Et on nous dit qu'il aimait la parole, qu'il aimait le Seigneur. Mais on sait que il sera mis à nu par Nathan et dans le psaume 51, on voit David qui pleure, qui crie à Dieu, pardonne-moi, mon cœur est brisé, mon cœur est fendu. Et c'est sûr que c'est ce que Dieu veut en nous. Il veut voir une humilité et c'est ce que David représente. C'est pour ça que David a encore la chance d'être appelé un homme après le cœur de Dieu, selon le cœur de Dieu. David avait à peu près 19 garçons, sans compter les filles. Au-delà de Salomon, dans 1 Chronique 3:1, on nous dit qu'il y avait à peu près 19 garçons. Pourquoi est-ce que Salomon serait choisi pour devenir roi, surtout qu'il est en plus né de cette relation adultère? Pourquoi Salomon? Salomon était choisi par Dieu. Salomon était choisi par Dieu avant même, de toute évidence, sa naissance, un peu comme Christ. Il était choisi par Dieu. Dans 1 Chronique 28:5, « Entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils, David admet, oui, avec 6 épouses, il a choisi mon fils Salomon pour le faire siéger sur le trône du royaume de l'Éternel, sur Israël. Il m'a dit, Dieu a dit à David, ton fils Salomon bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils, et je serai moi-même pour lui un père. J'affermirai pour toujours son règne, s'il s'en tient, comme aujourd'hui, à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. » Dieu avait choisi Salomon avant sa naissance. Hein, on a dit que son nom voulait dire paix. Dieu avait besoin que dans son royaume, qu'il y ait une paix, que ce soit finalement un roi de paix. Salomon n'était pas, comme David, un roi de guerre. Et dans l'économie théologique et parfaite de Dieu, c'est ce que Dieu avait besoin. Rappelez-vous, messieurs, dames, que dans votre vie, Dieu ordonne, commande, réserve les choses qui se passent dans votre existence. Il n'y a rien qui est par coïncidence, par hasard. Comme même Salomon qui émerge du péché, qui émerge finalement de la boue, ou du crottin, finalement, hein, c'est comme la beauté va émerger de ce qu'il y a de plus terrible dans nos propres vies, finalement. Il faut faire confiance à Dieu. Il faut l'écouter aussi, parce que ici David entend la voix de Dieu qui lui dit « Salomon est celui que j'ai choisi ». Alors nous, on veut bien entendre ce qu'on veut bien entendre. Salomon, David aurait pu choisir un de ses autres fils. Mais on voit plus tard que ses autres fils étaient bien problématiques. Que seulement Salomon pouvait accomplir les grandes choses qu'il aura fait. David dit à Salomon dans 1 Chronique 22, « Mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, mais la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Tu as beaucoup versé de sang, tu as fait de grandes guerres, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos et à qui je donnerai du repos. Ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom. » Bon, Dieu a choisi Salomon, mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Oui, Dieu m'a bien dit de venir à Montréal partir une église. Je crois que je l'ai entendu. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça ne veut pas dire que tout est tout cuit dans notre bec. comme on dit au Québec. Dieu a pu vous dire, marie-toi. Dieu a pu te dire, aie cette relation-là, va là, fais ceci. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Loin de là. Parce que Salomon s'est venu à un poil, tout près qu'il n'obtient pas le royaume, qu'il n'obtient pas le trône. Parce qu'il y a des pressions de tous bords, de tous côtés. Sachez cela. Préparez-vous. Dieu veut même utiliser, comme on a dit, tous ces tests-là pour vous raffiner, pour vous aiguiser. Ou sinon, on vient, on part des églises, puis on est comme, oh, wow, c'est plein, oh, c'est bien, tant mieux. Non, mais ça n'a pas de sens. C'est dans la douleur qu'on est affermi. Et ça fait partie de son plan. C'est pas lui qui amène la douleur de toute évidence. C'est pas lui qui fait qu'il n'y a pas 800 personnes ici. C'est pas Dieu. Non, il n'y aura pas 800 personnes. Mais non. C'est la société québécoise. C'est la réalité dans laquelle on est. Dans vos vies, c'est pas lui qui fait que vos mariages, vos relations humaines, vos relations avec vos parents sont conflictuelles, difficiles. C'est vous. C'est eux. Mais lui, il prend ça, puis il fait un dessin merveilleux, un canevas dans vos vies. Et un jour, dans une semaine, dans un mois, dans 10 ans, vous regarderez ça, puis waouh, c'est beau. Vous regarderez ça, puis vous direz c'est beau. Donc ici, il y a toutes sortes de pressions. Il y a d'autres fils qui, évidemment, eux, veulent le royaume. Là, le petit Salomon, le petit Shlomo, il n'aura pas le royaume. C'est nous qui vont le garder. Alors, les 6 autres frères qui sont nés dans les 7 premières années avec différentes mères, en tout cas au début, eux veulent le royaume. Alors, le fils le plus vieux, c'est Amnon, qui est le fils de la première femme de David, Aïonam. Alors lui, il veut avoir le royaume. Mais malheureusement, il sera tué par un autre fils de David, Absalom, qui amène la revanche parce que le premier fils a violé Tamar, qu'on voit dans 2 Samuel. Donc, il y a toute une relation familiale. On parle de famille problématique, pas à peu près. Les viols, les meurtres, c'est situ. Un autre téléroman ici. Alors là, Absalom, lui, qui a fait la bonne chose d'éliminer Amnon, lui, Absalom, à ce moment-là, il promet qu'il a dû croire qu'il était un bon bonhomme, et lui, il veut se révolter contre son papa. Un autre segment de cette famille en santé. Il veut se révolter contre ce papa, il veut même tuer son papa à l'aide d'une armée, et il sera arrêté juste au bon moment, et lui-même, Absalom, sera tué. Vous connaissez l'histoire, accroché dans un arbre, ses cheveux, il avait une belle crinière, un beau bonhomme, et puis il sera accroché dans un arbre sur son cheval, et on l'éliminera à ce moment-là. Bon. Il y a un autre fils qui est venu encore plus près d'obtenir le trône, Adonia, qui était le 4e fils de David, lui, non seulement il veut être roi, il est roi, il se fait roi. Alors il décide un jour et dit, choisissez-moi roi aujourd'hui, je suis roi. Et il décide de rentrer dans la ville comme roi. David entend parler de ça à travers sa femme, Bathsheba. Bathsheba, très jeune, même avant la naissance de Salomon, mais on avait dit, même après que Salomon soit né, on avait dit à Bathsheba, Salomon, ton petit-fils, ton enfant, t'as perdu ton premier, c'est terrible, ton deuxième deviendra le roi d'Israël. Et elle va rappeler à David, David, c'est le temps, j'ai entendu parler que Adonia veut prendre le trône, il faut que Salomon devienne roi. Ça ressemble aux histoires en Angleterre, lorsque souvent les rois s'entretuaient, les reines, et toute cette histoire souvent très intéressante. Mais les rois devaient devenir rois très jeunes, à 12, 13, 14, 15 ans, pour protéger la lignée royale. Ici, on croit que Salomon aurait eu entre 16 et 20 ans. C'était un tout jeune homme, et il est rapidement, avec tout ce qu'il fallait, ou le rituel, la célébration publique, on lui donne la couronne, il devient roi comme en tant qu'adolescent. Parce que David savait que Salomon était choisi, et que même si Adonia voulait s'élever comme roi, ce n'était pas le bon choix, et effectivement, c'était la vérité. Bon. Mais c'est bien, bon, Salomon, tant mieux, il a écrit. Mais pourquoi Salomon? Comme je vous dis, c'est un fils d'une adultère, c'est inqualifiable dans la loi biblique. La loi biblique dit même qu'une femme qui aurait causé adultère, qui aurait permis ou accepté l'adultère, ou agi dans l'adultère devrait être lapidé, tué sur la place publique. C'était la loi dans Lévitique, de même que le mari d'ailleurs. C'est bien, c'est l'équilibre. Les deux, il fallait les éliminer. Tac, c'est fini, on passe à autre chose. Mais ici, non seulement Dieu ne fait pas cela, mais on prend leur fils, le fruit de leur entraille, et on le fait comme un des plus grands rois de toute l'histoire d'Israël. Non, mais c'est-tu pas assez la grâce de Dieu? C'est ça qui est merveilleux. Vos vies sont comme celles des adultères. La mienne, elle est comme ça. C'est la boue, c'est le désastre. Moi, j'ai été converti à 23 ans. Attention, il y en a du stock avant ça, là. Qu'est-ce qui peut sortir de ça? C'est ce que Dieu aime faire. C'est son boulot, c'est son travail, c'est sa joie, c'est de prendre des vies détruites, des situations dramatiques, des détritus et faire de grandes choses. Pour ne pas dire que je suis grand, mais vous l'êtes. Parce que vous êtes tous et chacun des miracles, des miraculés, comme on pourrait dire, ma mère dit ça, des miraculés. C'est ça ce que Dieu aime faire. Donc, c'est ça la beauté de la biographie dans l'Ancien Testament, c'est que tu vois que Salomon, il aurait dû être rien du tout, mais pourtant, Dieu l'a choisi et l'a élevé. Pourrait-il faire la même chose dans votre vie, dans votre vie? Ce qui est important, c'est l'humilité. David et Bathsheba reconnaissaient leur péché. Ils reconnaissaient, et c'est ça, pour venir à Christ aujourd'hui, pour connaître Dieu, pour être pardonné, il faut reconnaître que nous sommes pécheurs. Ça, c'est dur. Au Québec, attention, pas facile. Ce qui retient mon père, après avoir entendu des dizaines, des centaines d'enseignements, c'est l'acceptation de son péché personnel. On le sait, au Québec, c'est ça. Partout dans le monde, mais particulièrement ici. On a la difficulté, mais on n'est pas pécheur. J'ai peut-être besoin de Dieu, mais je ne suis pas pécheur. Non, mais là, ça ne marche pas. Tu ne peux pas connecter avec un Dieu tout-puissant qui veut changer ta vie si tu n'as pas de reconnaissance, tu as besoin d'être changé. Bon. Donc, David et Bathsheba, eux, étaient humbles et Dieu a pu racheter tout ça dans un acte de grâce absolument merveilleux. Salomon était appelé à être un grand roi. Et il a été préparé pour devenir un grand roi. Et on va terminer là-dessus, finalement, son éducation en tant que jeune enfant. Il n'y a pas grand-chose là-dessus. On ne nous dit pas grand-chose sur son éducation, comment il a grandi. Mais on voit dans ce qu'il a lui-même écrit. Venez avec moi dans Proverbes. Proverbes, chapitre 4. Et cette fois-ci, je sais que ça existe. Proverbes 4, verset 3. Là, on voit... D'ailleurs, le titre de ce passage, c'est « Les conseils d'un père ». Et on voit ce que Salomon aurait compris dans l'enseignement. Proverbes, chapitre 4, verset 3. « J'étais en effet un fils pour mon père. Un fils, et c'est Salomon qui écrit, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'enseignait alors et me disait que ton cœur retienne mes paroles. Garde mes commandements et tu vivras. Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence. Ne sois pas oublieux et ne dévie pas des paroles de ma bouche. Ne l'abandonne pas, elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse, acquiers la sagesse. Et avec tout ton acquis, acquiers l'intelligence. Exalte-la, elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête un gracieux ruban. Elle tornera de magnifiques diadèmes. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles. Ainsi, les années de ta vie seront nombreuses. Je t'ai enseigné la voie de la sagesse. Je t'ai conduit sur les routes de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera pas gêné. Et si tu cours, tu ne trébucheras pas. Saisis l'instruction. Ne la lâche pas. Retiens-la, car elle est ta vie. Et finalement, n'entre pas dans le sentier des méchants. Et ne t'avance pas dans la voie des hommes mauvais. On voit que Salomon écoutait son papa et que son papa enseignait Salomon, inspiré de toute évidence par Dieu. Écoute-moi, on se demande est-ce que c'est écouter Dieu, écouter David, mais bon, c'est là pour que nous, on écoute Dieu. Mais le père, David, écoutait Dieu attentivement et enseignait Salomon. On sait que c'était la même chose avec sa maman. On sait que, pour que les enfants suivent Dieu, c'est souvent la mère, au début, qui va éduquer l'enfant dans la connaissance de l'Éternel. Puis après, il faut que le père embarque, ou sinon, on dit que si c'est juste la mère, le père, l'enfant, à un moment donné, Père intérêt. Si c'est juste le Père, il manquerait toutes ces années formatives au tout début. Les deux, c'est l'équilibre merveilleux. C'est merveilleux. Donc, l'importance de la sagesse, on voit ça. Mais on pense aussi que David aurait enseigné, bon, avec plus ou moins de succès, on verra plus tard, aurait enseigné à Salomon comment négocier avec les femmes et avec la population en général. Mais évidemment, son papa ayant lui-même certains ennuis, peut-être qu'il a pas, bon, peut-être qu'il y a eu des erreurs là qui se sont faites. Autre chose, c'est qu'on sait que Salomon aurait appris de son père l'amour de la nature. On parlait tout à l'heure de la beauté de la nature, le soleil, tout ce qui nous environne. On sait que David, lui, a grandi sur des terres. Il était, hein, il était berger, il était là avec les animaux, il était là avec le soleil qui se levait, avec le vent. Et il aurait enseigné ça au petit Salomon. Un amour de la création. C'est très, très important. C'est très important. Et il aurait aussi enseigné à Salomon le besoin, le désir de voyager. Mon fils me disait justement, il y a une heure, quelques heures, me disait, écoute, pourquoi on va toujours juste voir la famille au Nouveau-Mexique? On ne peut pas aller ailleurs, en Europe, il dit, en France, et voyager le monde à 5 ans. Tu sais. Oui, il faut voyager. C'est important quand on peut, en tout cas. Mais au moins, voyager dans ton coin, au moins, s'ouvrir sur le monde. On pense que Salomon aurait reçu ça de son papa. Et aussi, même que Salomon se serait occupé de brebis, d'animaux, pour apprendre justement à se salir, à négocier avec les animaux et leur comportement pas facile. Le père de Salomon mourra, David mourra. Et avant de mourir, il laissera encore une fois à Salomon ce témoignage. S'il te plaît, écoute Dieu. Regardons ça ensemble dans 1 Roi. On retourne dans 1 Roi. J'aurais dû vous inviter à mettre un doigt ou un papier, une jambe. 1 Roi, chapitre 2, verset 2. Et on voit les derniers mots de David à Salomon. Évidemment, en tant que père, nous, ça nous touche. Parce qu'on se dit tous, est-ce que je dis ça à mon fils? Je pense chacun de nous, à mes enfants, est-ce qu'on est des bons parents? On se pose toujours cette question-là. Et c'est sûr que quand on se compare, on est toujours à court, c'est sûr. 1 Roi, chapitre 2, verset 2. Moi, je m'en vais, 2-2 de 1 Roi, David dit, « Moi, je m'en vais où va tout ce qui est terrestre. Sois fort et sois un homme. Observe l'ordre de l'Éternel, ton Dieu. » En marchant dans ses voies et en gardant ses prescriptions, ses commandements, ses ordonnances et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu aies du succès dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras, et afin que l'Éternel accomplisse la parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant dans la vérité devant moi de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Évidemment, le successeur sur le trône d'Israël, ce sera Christ. Ce sera Christ, parce qu'on nous dit que Christ vient de la lignée de David. Et donc, il fallait que Salomon et d'autres suivent cette lignée pour que Christ puisse venir. C'est important. Nous, messieurs, mesdames, en tant que maman, est-ce qu'on a cette responsabilité-là de passer à nos enfants le message de Dieu? Est-ce qu'on est dédié à le faire, et non seulement en parole? Mais par exemple, parce qu'on sait que les exemples mauvais de David, plus tard, Salomon les reprendra avec ferveur quand il aura lui-même 700 épouses et 300 dames d'appoint. On voit bien que cette attitude-là par rapport aux femmes, ça a été communiqué par David. Il faut faire bien attention à ce qu'on passe à nos enfants. C'est pas facile. C'est pas facile. Salomon respectera les paroles de son père. Mais, comme on vient de le dire, et pour bien d'autres choses, nous verrons ça dans l'Ecclésiaste, il s'éloignera grandement de Dieu, comme nous l'avons tous fait. Mais souvenez-vous, et on termine avec ce verset-là, souvenez-vous de Proverbe 22, 6. Qui a écrit Proverbe? Salomon. Parce qu'il le sait, parce qu'il lui-même voyait que c'est ça qui se passait dans sa propre vie. Salomon, dans Proverbe 22, 6, dit « Oriente le jeune garçon sur la voie qu'il doit suivre. Et même quand il sera vieux, il s'en écartera pas. » Salomon reviendra à Dieu. Salomon reviendra et il écrira l'Ecclésiaste. dans son voyage, dans son périple d'être près de Dieu, de s'éloigner de Dieu, de douter de Dieu. Et c'est ça qu'on va explorer ensemble. C'est ça qu'on va explorer ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ce témoignage de Salomon, de David, de Bathsheba. Leurs erreurs, leurs péchés, cette famille un peu tout croche finalement, mais que tu as racheté, que tu as maximisé pour ton royaume, pour ta gloire. Tu fais de grandes choses dans des vies brisées. D'ailleurs, certains d'entre nous, aujourd'hui, nous sommes brisés. Nous avons besoin de toi. Nous voulons sentir qu'à travers ce fumier, cette difficulté-là, tu feras émerger de grands fruits, de grandes fleurs, de grandes choses. Merci pour l'exemple de Salomon. Et nous prions que lorsque nous étudierons plus spécifiquement sa philosophie, son point de vue de Dieu et du quotidien, nous serons édifiés, stimulés à marcher dans tes voies, avec ferveur, avec intérêt, avec joie. C'est au nom de Christ que nous prions. Amen.